écoute ce que je vais te dire. On n'est pas au cinéma ici. Tu crois peut-être que t'es un gros malin et que t'arriveras à baiser tout le monde. Ici, c'est le monde de la musique. On est tous des gros malins. Ok, gros malin, on touche ici. 1, 2, voilà le boss. 3, 4, en chair, en os. 5, 6, un bébé qui rosse. 7, 8, du chromé au cross. Nous sommes pour les gosses, pour les fines, pour les grosses. Quand les MC jouent des crosses, aussi bien ouest que East Coast. Confond pas biscotte et toast, frites, potatoes, la beatbox et toast. T'oses répondre, mais est-ce que t'oses répondre? Un cesse de pause et je pose des bombes. Rime trop féconde sur des comptes de cons. C'est déconné qu'on est déconné honnêtement. Je crois pas que le porc à se reconnaître vêtement. Surtout que ce ne parle ne se connaît complètement. C'est la compète qu'on a en tête, en fait, en rap goblette, yo. C'est bien ça qu'on fait, non? Me v'là, j'ai mis les deux pieds dans le plat. Ne me teste pas en chocla. Où tu vas, j'ai demandé que cla. Check ça, rap à coup de goutte là, pas de coup à coude là, rime au goutte à goutte là, tout à coup à goutte là, c'est le tout babou classe, pas comme un bout de glace, n'attends pas de coup balle, je t'attends bakunda, hélico, fais l'effet des pales de l'hélico, juste arme de page, feuille édico, on se fout de quoi, l'élite cause, puisqu'il vit porte vite close, levez-vous, et dites pause, pêchez ma gueule sur Google, hélico, c'est fait, mal comme X au micro, je fais mal comme mille comico, rassemblé, on a assemblé, on rap d'emblée, il m'a assemblé, que toute la terre a tremblé, que ta fête en fait de Nanterre a tremblé. Le rap qui aime mais trop adore. Partout c'est la même, pas trop hardcore. Ça crie à Stasiem, trop à tort. Mon but finir MP3 d'or. J'pars à zéro vol de cricket. Rap à aérosol et briquet. Loin des gueugants de célébrités. Qu'avance que quand le sol est briqué. Ceux qui ne l'aiment pas mais ça les Britney. Leur parle même pas dans sa célébrité. Laisse cette sale clique des sols les briquets. Pour niquer, laisse les briquets. C'est FONIK.